seconde avec toi, une boucle sans relâche. Du temps qui passe, il me reste encore chaque refrain de toi. Où que l'on s'aille, on se construit contre le sang. Seconde avec toi, un estimato sans fin. Du temps qui passe, encore je retiens chaque souffle de toi. Où que l'on garde en mémoire ce qui nous éclaire. Et si le temps me contraint de jeter en avant mes envies d'allégresse, les heures où je m'enivre d'un instant. Yeah.